C'est Food. Bon chat. 89-1-1-1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Gagné nous offre ses suggestions culturelles et artistiques dans ton plat favori. On a aussi les capsules de Vidon Ladon la question à l'émission. Ça se passe à Assemblage requis et c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut Mathieu, ça va bien? Super, et toi? Ben oui, on dirait que ça fait pas si longtemps qu'on s'est parlé. À peine, je dirais, une dizaine de minutes. Environ. Environ. Aujourd'hui, à l'émission Gros Plan, Stéphanie Gagné va être avec nous comme à chaque jeudi pour nous donner des petits conseils artistiques, des choses qu'elle a aimées, ses coups de cœur, si on veut, de la semaine dans sa chronique Ton plat favori. On va aussi avoir, comme à tous les jeudis, une chronique des gars de Vidon, Ladon, la question. Ouais, aujourd'hui, c'est spécial, on vous présente... un flashback sur Miss Milf 2007. C'était très, très sexy, ça. Ça risque de pas du tout être vulgaire. Du tout, aucunement, aucune chance. Aucune chance, non. Aussi, aujourd'hui, ce qu'on a de peu spécial à l'émission, c'est que vous savez probablement que dans le cadre des Nuits polaires, il va y avoir un excellent spectacle qui va avoir lieu samedi prochain. Il va y avoir, entre autres, Creature et Radio Radio. On va recevoir Gabriel de Radio Radio dans environ une heure, aux alentours de 16 heures. Mais tout de suite, on commence directement dans le vif du sujet parce qu'on a Kim, le chanteur du groupe Creature, qui est en ligne présentement. Salut, Kim. Salut, bonjour. Yeah. Et ça, Carbella aussi. Ça, oui, c'est ça, Carbella est avec toi aussi. Ça va bien, ouais. Vous? Ça va bien, vous autres? Eh oui, ça va très bien. Ouais. Right. Vous êtes quand même venu souvent dans les dernières années, même dans les derniers mois. Vous avez fait quelques présences à Trois-Rivières. Vous êtes venu en spectacle ici à Trois-Rivières. Est-ce que vous aimez venir à Trois-Rivières? On adore ça à Trois-Rivières, oui. On aime ça beaucoup. On s'amuse tout le temps là-bas. Oui, et puis vous avez un bon rapport donc avec le public trifluvien. Et puis, trifluvien. C'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça, c'est trifluvien, c'est les habitants de Trois-Rivières. C'est ouais, drôle de nom. Hein. dans la dernière année, vous avez joué pas mal à l'extérieur du Canada. Il faut dire que vous êtes un groupe de Montréal, mais dans la dernière année, vous avez joué entre autres beaucoup au Mexique. Oui. Et qu'est-ce qui se passe là-bas avec Creature au Mexique? Notre album No Sleep At All est sorti cet été en fait, en Mexique. Puis c'est parti un peu là-bas. Ça joue beaucoup sur la radio. Puis ils nous ont invités. On a fait quelques tournées, quelques festivals là-bas. Puis c'est super fun. C'est incroyable d'être capable de jouer des shows pour les Mexicains en Mexique. C'est fun. Ouais, c'est ça. Vous avez quand même pas adapté les pièces, vraiment votre musique originale que vous faites là-bas. Ils sont tous en espagnol et on joue des mariachi. Alors, pas grand changement. Et on n'a pas des sombreros. Okay. Non, c'est pas vrai. On joue les chansons comme on les joue ici, à Montréal. OK. Et du côté, souvent, généralement, le premier marché autre que le Canada que les gens attaquent, et c'est celui des États-Unis. Est-ce que vous jouez un peu aussi aux États-Unis? On a joué un peu aux États-Unis, on a joué surtout le South by Southwest Festival à Austin, Texas, qui est un gros festival. On a joué pour quelques années et c'est tout le temps le fun d'aller là-bas. Et aussi New York, Boston, Philadelphia. Mais à New York, c'était vraiment fun. Il y a eu par chance, on a eu Deborah Harry, Blondie, qui était dans la foule. Pour nous voir, puis elle est venue nous parler après, puis elle a beaucoup aimé ça, puis elle nous a même mentionné dans un article, dans une revue new-yorkais. Alors, c'était fun de rencontrer la Blondie. Oui, je crois que c'est elle, d'ailleurs, qui vous a décrit comme étant un groupe punk. Est-ce que c'est bien ça? Je pense pas que c'était exactement juste un groupe punk, mais un groupe... super fun, comme pop punk. Je me rappelle plus exactement les mots exacts, mais je pense que le mot était punk était dedans là, dans, à quelque part, mais juste qu'ils ont beaucoup aimé et qui devrait nous checker. Checker nous voir. En fait, c'était une entrevue avec Santa Gold. Alors, elle parlait de Creature avec Santa Gold. OK. La dernière fois moi, que je vous ai vu en spectacle, c'était ici à Trois-Rivières. Ça fait environ 2 ans, je crois. Et oui. Depuis ce temps-là, vous roulez toujours avec votre premier et votre seul, en fait, album complet, No Sleep At All. Oui. Est-ce que le spectacle, lui, s'est modifié au cours des années? Oui, sûrement. Ben, on a pratiqué un peu. Alors, on peut jouer nos instruments mieux, même. OK. Ben non, nous avons des nouvelles chansons qu'on va jouer la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Des chansons qu'on écrit, parce qu'on écrit beaucoup et on a plusieurs nouvelles chansons et nous sommes en train de travailler sur un nouvel album. Alors, vous pourriez avoir la chance d'attendre quelques nouvelles titres qui vont être sur notre prochain album. Wow! Et justement, parlant de prochain album, est-ce que vous avez, est-ce qu'il est déjà bien entamé ou c'est encore juste un projet? Non, mais ça commence là. On n'a pas encore commencé à enregistrer officiellement l'album. Nous sommes comme au début de pré-production. C'est sûr que les voyages en Mexique, comme notre album est sorti là-bas, comme mettons un an et demi plus tard qu'ici au Canada, ça fait comme un bizarre de time warp, un bizarre de Back to the Future où on va en Mexique puis on revit qu'est-ce qu'on a vu il y a 2 ans. Puis ça arrive aussi en France et d'autres petites places. Alors c'est ça. Alors nous sommes de retour au Canada, à Montréal, et nous sommes comme retournés au temps réel et nous sommes en train de commencer cet album. Puis ça va être bien très bientôt, là, on espère. Parfait. On pourrait peut-être, Mathieu, je sais pas si t'es d'accord, on pourrait peut-être finir l'entrevue avec Carbella. Oh, oui, tu veux parler à la jolie Carbella? En faire une transition ici. OK. Ben, merci à vous autres, puis merci à tout le monde, puis je vous vois samedi au Nuit Polaire, OK? Oui, parfait, merci. Ciao. Allô. Bonjour. Hello. Ça va bien? Oui. Oui. Les dernières fois qu'on vous a vu ici à Trois-Rivières, c'était dans des petits endroits, dans une petite salle. En fait, je pense que c'est pas mal à l'Embuscade que vous êtes venu. C'est un bar, c'est une petite scène. Là, en fin de semaine, vous allez être sur une scène extérieure, une grosse scène. Est-ce que ça change votre façon de faire le spectacle, d'avoir plus d'espace? Ben oui, parce qu'on peut se coucher à terre, puis faire des kicks, puis sans être comme avoir peur d'accrocher quelque chose. C'est encore mieux. Plus d'espace qu'on a, on est en train de mettre la feu. Puis on a déjà joué dans les grands scènes, puis c'est super le fun. Mais on aime ça quand même jouer à l'Embuscade. C'est un club assez cool. Ouais, c'est vrai, c'est une très belle place. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'en vient, disons, dans les prochains mois pour Creature? Est-ce qu'il y a des nouvelles, des scoops pour nous? L'album No Sleep At All va sortir en France le 15 février. Alors, nous allons jouer beaucoup là-bas, les festivals, tout. Puis le grand secret, c'est qu'on est en train, comme Kim a dit, on est en train d'écrire pour le deuxième album. Puis on va jouer quelques nouvelles chansons pour vous autres à Trois-Rivières. Test the Waters and Three Rivers. Donc, mais on est fiers de ça. Donc, j'imagine que si vous vous préparez là, à envahir l'Europe dans les prochains mois, faut en profiter. Là. Si on veut voir au Québec, ça risque d'être un des derniers spectacles pour les prochains mois. Oui, t'as bien ça. Exact. Est-ce que tu veux choisir une pièce de l'album No Sleep At All pour terminer cette entrevue-là, s'il te plaît? Bien sûr. Moi, j'aimerais choisir Brigitte Bardot. Parce que j'ai lu un blog que Brigitte Bardot avait entendu notre chanson, puis elle a beaucoup aimé ça. Puis la personne a dit qu'elle voulait venir nous voir à Montréal. Wow! Fait que moi, je choisis Brigitte Bardot. Ben parfait, on va jouer ça dans quelques secondes. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. Merci, et on invite finalement tout le monde à aller vous voir samedi. C'est au Parc Champlain, ici à Trois-Rivières. OK, puis il faut dire allô à Gab de Radio, parce qu'il va faire une entrevue plus tard, puis on l'adore. Parfait, on lui fait le message. OK, tu lui donnes des baisers pour moi, OK? Parfait. OK. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye-bye. C'était Creature. Voici Brigitte Bardot. Rassemble le truc.

We Are Wolves et Walking Commotion, c'est tiré du palmarès anglophone de C'est fou. Ah, ça fait du bien. Ça te relaxe, toi? Vraiment. Pourtant, c'est entraînant, tu sais. Ben oui. C'était précédé de Creature avec Brigitte Bardot. Vous allez pouvoir retrouver l'entrevue que tu as fait avec Creature sur le cif.ca. Oui, et manquez pas, dans une quarantaine de minutes environ, on va recevoir Gabriel du groupe Radio Radio. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la première partie du beau concours Miss Myth 2007. Voici Vidon Ladon la question. Allô, ici mon oncle Serge. Est-ce que ça enregistre tout ton affaire, là? Ça s'appelle sur Rec. Ah, bon, je vois ça, Rec. Bon. Ah, bonjour, ici mon oncle Serge. Je vais vous écouter Vidon Ladon la question, mais vous devriez changer de poste puis écouter Énergie. Vidon Ladon la question. Après les concours, Miss Hawaiian Tropic, Miss Bikini, Miss Crème, Miss Lutte dans le Jello, Miss Étendue sur un capot de char, Miss Plot à mafleur, Miss Titoton et des gros shiners, Miss Grosse Cuisse, Miss Concours d'Elvis, Miss Anticonformiste, Miss Exhibitionniste, Miss In Extremis, Miss Je m'en foutisme et Miss Tout nu sur un cheval. Voici le nouveau pageant de beauté de Montréal. Un concours pour les femmes de 35 à 50 ans qui ont déjà eu un enfant mais qui sont restées coquilles, sensuelles, ardente, sexy, alléchante. Le concours Miss MILF Montréal 2007. Oui. MILF, une expression empruntée à la pornographie qui signifie Mother, I'd like to fuck. Hello, mon nom est Bob Velour, en direct de la finale du concours Miss MILF Montréal 2007, une première en Amérique du Nord. Aujourd'hui, vous pourrez admirer les plus belles femmes âgées de 35 à 50 ans, rivaliser d'adresse dans différentes épreuves. Hot! Laquelle remportera le grand honneur, celui d'être la mère de famille la plus sexy? Pour nous en parler, je vous présente mon collègue, Rock Laverge. Salut mon Bobby Velour. Rock, vous étiez responsable des auditions. Dites-moi comment ça s'est passé. C'était chaud, chaud, chaud, mon Bob. Il y a eu beaucoup de mères, beaucoup de belles milfs. Oh yeah. C'était super. Et ça, ce sont toutes des femmes plantureuses, incroyables et intelligentes qui sont restées belles après l'accouchement. Comment on fait pour rester belle après l'accouchement? Dites-moi, Rock, vous qui connaissez tout. Ah ben écoute, pour répondre à ta question, Bob, je vais me référer à l'ouvrage « L'odeur des MILF » écrit par Robert D. Rodriguez. Pour qu'une femme reste belle après l'accouchement, il faut que quelqu'un lui fasse un massage facial pendant qu'elle accouche, pour éviter que les grimaces qu'elle fait viennent lui déformer le visage. Ça, c'est une règle de base. OK. Il y a une deuxième règle à suivre pour être une bonne MILF, Bob, et c'est de ne pas avoir le sens de l'humour. Oh, je ne comprends pas, Rock. Expliquez-nous. Si la MILF rit trop, ça va faire des grosses rides pas belles sur le bord de sa bouche. On veut pas ça. Dites-moi, Rock, pendant la grossesse, là, outre une alimentation équilibrée, des exercices physiques, c'est quoi les trucs secrets que vous connaissez pour qu'une femme en reste belle et attirante? Ce qui est important pour une MILF, c'est d'éviter que les hanches grossissent trop pendant la grossesse. Et ça, y a un truc pour ça. Et c'est de visualiser le Japon. Oh. Et là, je m'adresse aux dames. Mesdames, pensez Japon. Pensez hôtel cocon avec des petits japonais tout tassés les uns sur les autres. Pensez au Japon et faites un transfert mental sur votre utérus. Oh, on commence à voir où vous voulez en venir. Votre bébé a pas besoin de vous faire prendre 30 livres pour être confortable. Et voilà. Ça, les Américaines l'ont pas compris. Un gros pays, des gros chars, des grosses maisons, les femmes viennent grosses. L'équation est simple. C'est pas compliqué. Essayez de vivre serré. Vivre serré. Quelle belle philosophie de vie afin de rester resplendissante. Pour bonjour, Bobby Velour en direct du concours Miss MILF Montréal 2007. L'heure de la grande finale approche. On a nos trois finalistes qui sont avec nous. Trois belles MILF en entrevue. On va essayer de mieux les connaître. Tout d'abord, on a Hélène. Hélène, si vous aviez deux, trois phrases pour vous décrire, ce serait quoi? Moi, je suis avocate, mais mère avant tout, je cuisine moi-même tous nos repas. On mange du poisson deux fois par semaine. C'est important, les oméga-3, pour que les enfants soient en forme quand je vais les reconduire à leur cours de natation, de ringuette, de judo, de piano, de peinture, de sculpture, de chant, de yoga. Je fais du bénévolat auprès des personnes âgées, des handicapés, des analphabètes, des grands brûlés, des victimes du chancre mou, des pauvres, des lépreux, des pas beaux, des pas fins. Je les aide! À chaque été, pour me détendre, j'enfile un vieux pyjama, je mets la tête en bas et je relis à la recherche du temps perdu de Proust au grand complet. J'ai une sexualité épanouie, je connais le Kama Sutra par cœur, on varie de position à chaque jour. J'ai des REER, des investissements dans l'immobilier, je suis toujours à la mode, je fais 45 minutes d'exercice par jour, du musculaire, des cardio, des étirements, je crois en aucune religion, mais je suis très spirituelle, très ouverte aux autres cultures. J'ai fait des voyages en Chine, aux Indes, au Soudan, en Iran, et je porte du 36D. Oui, oui, oui, oui, mais c'est pas croyable, Hélène, vous êtes une superwoman. Et on a également Abeille, notre deuxième finaliste, qui est avec nous. Allô? Abeille, dites-moi, que feriez-vous si vous remportiez le grand prix du concours Miss MILF Montréal 2007? Ben moi, là, si je gagnais le concours, je referais faire ma salle de bain au complet. Je mettrais deux bains. Un qui serait rempli d'eau chaude, puis l'autre qui serait rempli d'eau fraîche. Puis je passerais vite, là, d'un bain à l'autre pour me resserrer les pores de la peau. Oh, et vous avez d'autres trucs comme ça pour rester d'apparence jeune? Oui, j'ai écrit un fascicule intitulé « Mille et une recettes beauté à base de jus de monsieur ». OK. J'aimerais remercier les amis de mon gars qui ont tout trippé sur moi. Ça m'a vraiment encouragé puis donné le goût de continuer. Merci, les gars. Eh bien, merci, Abeille. On vous souhaite bonne chance. Et la dernière, MILF, mais non la moindre, la pulpeuse Vanessa. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Vanessa, c'est votre nom d'artiste ou... Non, c'est mon vrai nom. Ben, en fait, mes parents m'ont appelée Vanessa, mais je trippe tellement sur le groupe Evanescence que j'ai décidé que je m'appellerais Vanessa. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vanessa? Ben, moi, je me mets à côté d'affaires. Ah, je suis pas sûr de comprendre, là, c'est... Ben, je me mets à côté d'affaires, genre, je me mets à côté d'une bouteille de bière, je me mets à côté d'un char, je me mets à côté d'une bouteille de shampoing, c'est ça. Je me mets à côté d'affaires. Donc, vous êtes mannequin. C'est ça, je me mets à côté d'affaires. Je vous remercie beaucoup, Vanessa. C'était la première partie du concours Miss MILF Montréal 2007. La deuxième partie s'en viendra là plus tard dans l'émission. S'en viendra comme dans un mille et un, une recette à partir de jus de garçon. Ouais, j'avais jamais entendu celle-là. Ça, flirte avec le mauvais goût. Je dirais. Oh, c'est déplacé presque. Ouais. Déplacé pour se mettre à côté de d'autres affaires, tu sais. Comme un mannequin. Mm. Bon. Donc, deuxième partie tantôt. Vidons-la-don la question avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault sur vidonsladonsanslec.com, vidonsladon.com. On les aime don.com. OK. Vous êtes toujours Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Détachées. D'accord. On s'en va entendre un petit peu de You Say Party, We Say Die. Parce qu'il y a un point d'exclamation dans le nom, un peu comme Vidons-la-don la question. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Sur C'est Fou 89 FM. Evanesa. Oui, tantôt aussi, entrevue avec Radio. C'est vrai.

un soleil suffit à cette fleur que je suis. Un peu de soleil, celui sur lequel ton œil reluit. Mais un peu de soleil, voici pour la voix se transformer en rieuse et bien jolie. C'est tellement facile d'oublier des choses, hein. Ça s'oublie de même, comme comme Sèche tes pleurs, par exemple. Comme Sèche tes pleurs. Ça s'oublie quand même assez facilement. Vraiment. On vient d'entendre un extrait du nouvel album de Daniel Bélanger. La pièce s'appelle « J'aime ton soleil ». Et c'était très bon. Vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes environ, on va avoir Radio-Radio à l'entrevue. Oui, on va voir Gabriel de Radio-Radio qui va nous parler de leur spectacle gratuit qu'ils font au parc Champlain, en fait, samedi. L'événement a lieu, en fait, dans le cadre des Nuits polaires et il va avoir aussi le vendredi, donc demain, 29 janvier, il va avoir les Trois Accords qui vont être là en spectacle gratuit, toujours au parc Champlain dans le cadre des Nuits polaires. Mais aussi demain, pour ceux qui auraient envie d'une autre alternative, il va aussi avoir Keith Kuna, l'ancien chanteur des Ghouls que Mathieu adore. Hey. Et qui est en spectacle donc solo. En fait, c'est sa formule solo avec ses pièces qu'il a fait avec son album juste lui, Les Années Monsieur. Mais en fait, il va être sur un duo. Là. La formation, là, pour être concret, là, sur scène, ils sont deux. Mais bon, c'est ses pièces à lui, pas les pièces des Ghouls. Mais nous, on va quand même aller écouter une pièce des Ghouls parce que Mathieu t'aime beaucoup cette pièce-là. Tu mets le blâme sur moi pour la pour une raison d'écouter les Ghouls avec la pièce Le Crabe. Ça va être un petit peu plus tard dans le bloc. Mais avant ça, on va écouter un petit peu d'Avec pas de casque. Oui, avec podcast. Et puis Stéphane Lafleur, une des moitiés, une des tiers, en fait, un membre d'Avec podcast. aussi un autre groupe qui s'appelle Moussette et qui ont un nouvel extrait qui est disponible en ligne. On va l'écouter un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour tout de suite, avec podcast, l'amour passe à travers le linge. Assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Possiblement trop puissant. C'est bon de voir.

transformé en tigre des eaux, bras, cadabra, tête de chat et corps de marin, coup de pute, de pâte, plus de pain, je mangeais des bœufs et cherchais milieu à que je l'ai saigné à coup de mort, pouvais plus le garder, pouvais plus le mettre dans ma vie, ma vaisseline grosse, peuple peine, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré car je ne pouvais plus hurler. Enchanté, enchanté, Crabe des Goules, ça c'est ce qu'on appelle un classic gold hit. Tring, de C'est fou. Oui. Enchanté, enchanté, je vous présente mon crabe de poche. Enchanté, enchanté, je vous présente mon crabe de poche. On aurait voulu préparer ça, puis ça aurait pas été mieux. Est-ce fini là? Là, il est fini. Donc, pour ceux qui s'ennuient des Goules, vous ne pourrez pas les voir en spectacle parce qu'ils n'existent plus. Même si on fait un genre de retour au jour de l'an cette année, mais Kid Kuna avec son album solo va être au Café Bar Les Enops vendredi demain soir. J'allais dire, c'est un petit peu comme déprimant comme gars. Si vous voulez voir les Goules, vous êtes tellement excités. Ben, too bad for you. Vous ne les reverrez pas. Tant pis pour vous. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission qui se continue jusqu'à 17h. Hein, on est là, puis on jase, jase, jase. On écoute de la musique, musique, musique, musique. Humour, humour, humour, comme ça finit plus. Les chroniqueurs, puis tout, là, c'est plein d'affaires. Ben, c'est ça, parle jase, jase de même. Puis tantôt, on parlait de Stéphane Lafleur, qui fait partie du groupe avec Podcast, mais qui fait aussi partie du groupe Moussette. Et le groupe Moussette vont sortir prochainement dans les prochaines semaines, prochains jours. Je me souviens plus la date exacte, mais ils vont sortir un nouvel album. C'est leur deuxième album complet et il y a déjà un extrait qui est disponible gratuitement. Vous pouvez télécharger la pièce Feuille verte du groupe Moussette. Vous allez faire un tour sur leur MySpace, myspace.com/TheMoussette. Et là, dans la section blog, là, vous avez le lien pour aller télécharger la pièce gratuitement. Et nous, on va l'écouter tout de suite, la pièce Feuille verte du groupe Moussette. On est hot, hein? Tellement. Hey. Thank you.

and be required to repeat it. Are we required to repeat it? Territory, une nouvelle entrée de Two Hours Traffic dans le palmarès anglophone. Palmarès qui est en reprise demain soir, vendredi, entre 17h et 20h. Exactement. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM et on vous en parle depuis le début de l'émission. C'est maintenant le moment où on reçoit par téléphone, en fait, Gabriel du groupe Radio Radio. Salut Gabriel. Salut. Ça va bien? Ça va super bien. Et je dois commencer tout de suite l'entrevue en te disant qu'un petit peu plus tôt dans l'émission, on a reçu en entrevue téléphonique le groupe Creature. Et oui. Carl Bella nous a demandé de te transmettre ses salutations. Elle te salue et elle t'embrasse. Nice! Elle est belle en plus. Ben oui, alors voilà, nous on a fait le message. Donc vous allez jouer justement Radio Radio et Creature ensemble sur la scène des Nuits polaires ici à Trois-Rivières en fin de semaine. Est-ce que vous avez souvent partagé la scène avec Creature? Vous semblez quand même vous connaître assez bien. Ouais, ben Creature, on a joué avec eux à Halloween passé. Je m'en souviens pas exactement c'était où. Puis on a fait une petite tournée à Paris ensemble dans le cadre du 400e. Puis ils sont sur le même label que nous sur Bon Sound. Ça fait que... c'est des amis de scène, puis on s'aime beaucoup, si tu veux. Parfait. Si on faisait un petit retour peut-être sur la dernière année, vous avez roulé quand même pas mal avec votre premier album. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, depuis dans les dernières années? Je sais que vous étiez un quatuor à l'époque, maintenant vous êtes seulement trois. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé de bon dans l'existence du groupe dernièrement? Dernièrement, on a envoyé les fichiers pour la pochette de disque puis les tunes à faire masteriser. Ça fait que tout est en process de sortir d'un produit concret, que le disque arrive dans nos mains d'ici quelques semaines. Ça fait que c'était comme un genre de travail acharné qui va aboutir d'un beau bébé. Puis, à part de ça, on a des dates intéressantes, comme des places qu'on n'a jamais été jouées, comme à Texas pour South by Southwest. Au mois d'avril, puis en Louisiane également, puis à Vancouver pour les Olympiques. Ah, c'est bon ça, vous allez jouer aux Olympiques. Est-ce que vous êtes content, en fait, d'aller jouer aux Olympiques? Ben oui, nos parents sont fiers que leurs enfants vont aux Olympiques. C'est comme un bonus pour parler à la table à dîner, là. Êtes-vous des gars sportifs? On est pas mal tous des gars sportifs, ouais, c'est divers. On a tous fait notre part de sport, là. Okay. Alexandre, c'est le nageur, Jacques, c'est le golfeur, puis moi, je joue au croquet. Ah, c'est bon. Tu parlais tantôt du nouvel album qui va sortir bientôt. C'est le 2 mars, en fait, que le lancement est prévu pour le nouvel album qui s'appelle Bel Mundo Regal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi l'album s'appelle comme ça? Ben, Bel Mundo, en effet, c'est le nom d'un personnage qu'on a rencontré lors d'un voyage en Nouvelle-Écosse, à une place qui s'appelle Oak Island, puis c'est un lieu où est-ce qu'on trouve un trésor. Ça fait au-dessus de 2 ans qu'on a recherché, puis des plus grands explorateurs, puis les compagnies avec beaucoup de sous pour justement qui sont dans la business d'explorer des trésors cachés. Ça fait 200 ans qu'ils cherchent, puis lui, c'est un explorateur qui vient de l'Argentine. OK. Puis qu'on l'a rencontré, puis il nous a parlé un peu de ses histoires de vie, puis ça nous a parlé un peu des mystères qui se cachaient dans le trésor, puis les hypothèses cachées derrière justement ce lieu quand même assez spécial qui s'appelle Oak Island en Nouvelle-Écosse. Puis si vous allez sur belmundoregal.com, belmundoregal.com, vous allez voir une carte justement d'Oak Island, puis il y a un lien que tu peux cliquer pour aller voir une vidéo sur YouTube qui explique un peu l'histoire derrière ce lieu. OK, donc c'est vraiment une histoire vraie tout ça. Ouais, puis Belmundo, c'est justement un personnage qui a été comme un peu incarné dans la production du disque. C'était frappé notre muse, on a déjà ri. C'est lui qui nous a vraiment guidés pour développer tout l'univers qui est autour, parce que quand on fait un disque, on parle d'un univers puis un mythe, puis c'est justement lui qui est un peu l'essence de tout. Okay, est-ce que vous continuez à le fréquenter, ce Belmundo? Belmundo, c'est le genre de gars comme quand il est pas sur Facebook, là, c'est un gars qui est sur son voilier. Ok. Justement, sur la page du disque, il y a une photo de son voilier. Puis, c'est pas le genre de personne que tu veux vraiment contacter, là, parce qu'il est sur la mer le plus que possible. Ça fait il est dans nos esprits, mais on est ce genre de personne qu'on est certain qu'on va croiser dans le futur. Ok. On va parler un petit peu maintenant du spectacle en tant que tel de samedi. À quoi on peut s'attendre pour le spectacle de samedi? Est-ce qu'il, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles pièces? Oui, on commence déjà à roder le spectacle du lancement. Ça fait qu'évidemment, on va jouer les tunes plus attendues et les tunes les plus le fun de Kichuat. Mais on va intégrer définitivement en grande partie les tunes de Belmundo. Ça fait qu'on peut voir la transition du groupe. Mais ça promet d'être aussi festif. Puis c'est basically la façon dont je compare ça, c'est que le premier disque, le show, c'était un peu un party à la Cancun, dans les resorts. Puis ce party ici, c'est comme un genre de party dans un grand château en région de Toscane. C'est comme la fête est bonne. Mais la vibe est un peu différente. C'est un peu moins college party. OK. Plus mature, un peu. Madil, souvent, on dit que on comprend ça étant moins le fun. C'est comme aussi le fun, mais peut-être moins agressif, mais comme l'énergie est définitivement là. OK. Parfait. Donc, si on veut voir ça, c'est ce samedi donc au Parc Champlain en Trois-Rivières et c'est gratuit en plus. Et l'album Belmundo Regal sort le 2 mars prochain. Je crois qu'il y a déjà un extrait qui est disponible, hein, qu'on peut télécharger gratuitement, je crois. Oui, sur laradio.com. C'est la tune Deck Shoes. So, Deck Shoes, c'est comme genre les souliers d'été là qui ont porté des bateaux sur la plage ou au country club. So, ça fait que c'est un peu l'esprit, c'est un peu un symbole de. La vibe de l'album. OK. Est-ce que Belmundo portait des deck shoes? Belmundo, il y a des deck shoes, mais la plupart du temps, il y a ni pied. OK. Parfait. Ben, merci beaucoup, Gabriel. Donc, on vous souhaite un bon spectacle ce samedi. On va aller vous voir et on vous souhaite plein de bonnes choses avec le nouvel album qui s'en vient. Merci, puis on a hâte de parler avec vous. Ben, merci. Salut, ciao. Bye-bye. On écoute deck shoes tout de suite. Assemblage requis. Superstar, marcher sur la main ou marcher sur la auto. Inné, miné, mané, mot, c'est qu'est-ce qui veut du jello? Si ton sport c'est du vélo, ben come on baby, hello. Saut, danse autour la question, marcher sur la hay. Ok, j'explique, c'est 700, c'est jet set dans ma minivan, no, that cut you my case in case, que ma case works pro. Hit case in case, que ma still works pro. Penny low for that shoe, got that soul, got that soul, got that gemma. Nah, man, wish work my tan, shopping channel, vend that scam. Copy, call it, shoot, come damn. Basically, so basic, so avec mes penny low for, avec mes tech shoe. Et j'vais marcher sur la. Marcher sur la hey, j'ai dit plus broke, mieux yappie et marcher sur la. Pas un cent à mon nom, poste de Louis Vuitton. Un pal de deck, shoes, pas de poids de bateau, un premier down. C'est même que ça se passe, quoi d'où tu veux, j'te dis. Paye-moi 15 minutes, puis watch-moi parquer mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Un gars, ça me coûte rien, un pommé sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz, qui joue sur mon radio. Avec mes penny loafers ou avec mes deck shoes, et j'vais marcher sur la. Aeronautic avec mes deck shoes. Je marche sur la hay, je marche sur la. mettre glue. Je m'achampe des causes, mais je croyais en rien du tout. C'est la new edition, television match le piano. Tout ça d'un monde qui sait, tout le monde croit qu'il faut. Tout ça d'un monde qui croit les histoires des matelots. Mais je les ai trouvés sur le bout du chat en marchant sur la wall. Sans plus broke, mieux y habiller, marcher sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habiller, marcher sur la wall. Plus broke, mieux y habiller, marcher sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habiller, marcher sur la haie. Oui, donc c'est cette pièce, l'extrait du nouvel album Bel Mundo Regal de Radio Radio qu'on vient d'entendre. Juste un peu avant, Gabriel du groupe nous disait qu'il était en téléchargement gratuit. Donc c'est cette pièce-là que vous pouvez aller télécharger gratuitement tout de suite. Faites-le maintenant. Là. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est écouter un petit extrait du prochain championnat de Jam Débile avec ma tante Frack. Yeah! Oui, c'est un événement qui a lieu live à Montréal, mais qui est aussi diffusé ici sur les ondes de C'est Fou. Oui, tous les samedis après-midi. Donc, cette semaine, c'est la grande finale du championnat de Jam Débile partie 3. Hein? Ça va être très, très bon. Je vais vous faire un petit genre de listing de ce qui va se passer dans cette émission-là. Hein? Donc, il va y avoir un avertissement sur le langage cru contenu dans l'émission. C'est comme pour un public averti. Ma tante Frère va présenter l'émission avec Léo. Il va y avoir la fin du show de Tempête, qui est la suite de la semaine passée. Le Jam Débile Band va jouer C'est la faute du jambon. Improvisé lors de la grande finale du championnat de Jam Débile de ma tante Frac au Café Chaos. Chaque membre de l'orchestre de cet orchestre d'une toune a été choisi au hasard parmi les 5 orchestres présents ce soir-là. Mm-hmm. Donc, on parle de 354 barils, Mise en demeure, Tempête, Les Damnés et les Tabarnako Surfers. Ma tante Frac avait mis dans un verre tous les noms des batteurs présents et dans un autre verre tous les noms des guitaristes présents, etc. pour chacun des rôles dans le groupe. Puis, ils ont fait le tirage au sort devant tout le monde juste avant de faire embarquer les musiciens sur scène. Le hasard a donné à la voix François de Mise en demeure, à la guitare Pouliot de 354 barils, à la basse Quenouille de Tempête, au sax GF de Mise en demeure et à la batterie Doug de Tempête. Bon, donc ensuite, le spectacle va continuer samedi avec le show des Damnés, une pub pour la micro de Bromont, avec Léo qui est le fils de ma tante Frac. Très spécial ça. Extrait de l'émission du 10 novembre avec Les Damnés qui chantent le loup-garou. Et puis après ça, un paquet d'autres affaires suite du show des Damnés. Et puis l'horaire et le contenu des prochaines émissions. Donc ça, c'est samedi après-midi. Ici même, c'est fou. Et nous, tout de suite, on va écouter une pièce, en fait. Oui. Ça s'appelle C'est la faute du jambon. C'est par le Jam Débile Band qu'on vient tout juste de c'est de donc la pièce là, improvisée avec un membre de plein de groupes. On écoute ça. Assemblage requis. OK, la prochaine tonne, ça s'appelle « C'est de la faute du jambon yeah. ». We'll be right back. merci beaucoup. Oui, c'était la chanson « C'est la faute du jambon ». Assez intense, même présenté pour moi. Même pas besoin de faire de rien dire de plus que ça. Donc, le Jab des Beat Band, je vous rappelle que l'émission va être diffusée ce samedi à partir de 13h. Ici même, assez fou, c'est le Jab des Beat le matin de frac. Et ça, ben, c'était le Jab des Beat Band avec une superbe chanson. C'est de la faute du jambon. Vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. On continue jusqu'à 17h. Et plus tôt dans l'émission, si vous étiez avec nous, on a commencé à écouter le concours Miss MILF Montréal 2007. Eh bien, on écoute la deuxième partie à l'instant. Vitons-la dans la question. Bienvenue au concours Miss MILF Montréal 2007, le concours où les mothers I'd like to fuck de 35-50 ans étalent leur talent et leur charme pour nos yeux épanouis. Ça se dit-tu, ça? Ébahi, qu'on dit. Mon nom est Bob Velo, je suis toujours en compagnie de mon acolyte Rock Laverge. Quel spectacle magnifique, Bobby! Mon Rock Laverge, si tu le veux bien, on va aller voir les faits saillants du concours. Je préfère ça que d'aller voir les faits saillants de Goncourt. Notre caméraman français. On le salue, oui. Premièrement, en demi-finale, on a eu droit au concours de lavage de vaisselle contre la montre qui a été remporté haut la main par Hélène. Une performance, Bobby, qui marquera à tout jamais les annales du concours Miss MILF. Hélène qui prend l'assiette, qui enlève la croûte, la récure bien, la rince, la pose dans le rack. On part ensuite d'une flûte à bière, prend la lavette, l'enfonce jusqu'au fond, nettoie bien, rien de souci, la pose dans le rack. Quelle rapidité d'exécution, quelle justesse dans les mouvements. On la voit ici en train de décasser une tourne à biscuits avec style, vigueur et... Je ne sais pas si c'était voulu, mais l'eau de vaisselle vient de lui revoler partout sur le petit t-shirt blanc et ses mamelons qui se mettent à se durcir et... Je ne sais pas si c'était prévu dans la chorégraphie, mais les juges semblent franchement apprécier le spectacle. So, un autre des faits saillants du concours Miss MILF Montréal 2007 qui a retenu notre attention est bien sûr le concours de consolage de bébé qui a mis en vedette la pulpeuse Vanessa et la mystique portugaise Clementina. Écoutez, si vous aviez été là, vous auriez fait comme moi. Vous auriez versé une larme devant tant de féminité. On écoute. Et Vanessa et Clémentina sont sur la ligne de départ. Le coup d'envoi est lancé, les bébés pleurent. Et Vanessa tente de consoler le bébé, elle le berce, ça ne marche pas. Clémentina, elle, tente de chanter une berceuse dans l'enfant, lui tapant dans le dos et ça semble lui déplaire. Le bébé qui pleure de plus belle, rien ne va plus pour la portugaise. Et Vanessa, quant à elle, ouvre son décolleté, pose la tête de l'enfant sur sa poitrine, dépose ses lèvres sur son front, lui donne un grand baiser et le petit qui s'est calmé, il ne pleure plus. On attend la confirmation des juges. Oui, et Vanessa a bel et bien calmé le bébé. Alors, et Vanessa atteint la finale, tandis que Clémentina peine toujours avec son bébé en larmes. Ouh, quelle belle démonstration de maternité de la part de Vanessa et surtout, quelle bouche! Oh, je t'en fais pas dire, Bob, en voyant ce spectacle-là, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Quelle est la fonction première de cette bouche-là? Manger ou donner du plaisir? Je me le demande! On doit se laisser là-dessus, le temps file. On a tout juste le temps d'écouter une chanson de France d'amour qui est une MILF québécoise célèbre. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la plaine. On me dit que France d'amour, ça ne cadre pas dans le mandat musical de la station que vous écoutez. Faut qu'on arrête la chanson, on voudrait pas avoir plus de problèmes. La direction tout à l'heure ont pas trop apprécié qu'on passe Claude Dubois et ils ont encore moins apprécié qu'on passe Francis Martin. Ben, on va se réessayer avec autre chose. On va écouter René Simard et sa chanson « Maman ». On la dédie à toutes les mères qui nous écoutent et qui sont sexy. Quoi de plus doux, de plus tendre que le cœur d'une maman? On s'excuse encore une fois. Ça a l'air que René Simard, ça ne passe pas non plus. Bien, on va vous faire découvrir un artiste qu'on a trouvé sur LimeWire en tapant le mot « maman ». Il s'agit de Pierre-Paul Jacques, un Haïtien qui a écrit une chanson intitulée « Maman » pour vous. Maman, je ne chanterai pas mon enfance difficile, car tu m'as toujours appris qu'il y avait bien plus faible, plus malheureux que soi. Cette vérité dans le timbre de ta voix a fait qu'aujourd'hui encore je n'ai rien oublié, car depuis tout petit tu n'as cessé de m'aimer. Cette chanson est pour toi, qui s'est sacrifié pour moi. J'ai la chair de poule quand j'entends parler de Paul Cézanne. J'ai l'odeur de la fumée et la chaleur des flammes qui me remplit la tête. Purification ou tempête, maman, je ne me plains pas, tu sais que ça me fait sourire. Les rivières et la jet, c'est trop de bons souvenirs. Les kilomètres à pied, ça en use des paires de souliers. Maman, waouh, maman, ma reine et mon roi. Oh, toujours Bob Velour et Rock La Verge pour animer le concours Miss MILF Montréal 2007, le concours le plus hot en ville. Des mères de 35-50 démontrent leur charme, leur talent, et c'est le moment du spectacle final. Rock, arrête-moi si je suis trop macho, mais je crois que c'est la vocation de toute une vie, hein, d'être à la fois une mère parfaite et une épouse sexy. Oh, je t'arrêterai pas, Bob. Donc, pour la finale, la section talent de la compétition, on commence avec Hélène qui arrive habillée en salopette. Oh! Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Ça a l'air qu'elle vient déboucher nos tuyaux. Oui, Hélène qui a pris des cours de plomberie pour être complète, parfaite. Elle fait même les tâches qui sont dévolues aux hommes habituellement, comme déboucher les tuyaux. Elle va nous faire ça de façon sexy. Elle est bien qui est débouchée. Oh, que c'était joli. Oh, Bob, quand t'as s'est penché, là, pis que les gouttes de sueur y ont perlé d'en face quand t'as forcé sa clé à molette, oh, ça valait bien mieux que n'importe quelle danse à 10. Et là, c'est au tour d'Abeille de venir nous présenter son talent. Abeille, viens par ici. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Abeille? Je voudrais chanter une chanson que j'ai dédiée à mon fils Gabriel qui est mort. Allez-y, on vous laisse aller. Gabriel, maman t'aime. Je le sais que t'es devenu un ange Gabriel, comme l'ange Gabriel. Puis la preuve que t'es un ange, c'est que quand mes amis te prient, elles tombent enceintes, même si elles font pas l'amour. Mon petit sacripant. J'ai assez ri quand ta grosse Ginette est tombée enceinte. Ma chanson parle de toute la pression que la société met sur les mères. Une mère, ça peut pas être parfaite. Je suis tannée de jouer la game, de toujours tout donner, même jusqu'à m'oublier. Quand ton père est disparu, j'ai tout fait pour que tu manques de rien. Oh non, non, non. Pourquoi t'es parti? Qui consolera mon chagrin? Merci tout le monde. Je vous aime. Merci Gabriel. Et maintenant, au tour de Vanessa. Que va-t-elle nous réserver, cette charmante fille? Oh, on me dit qu'elle a choisi de gonfler une ballonne et de la faire péter dans ses mains. Eh ben, c'était audacieux, si j'oserais dire. Ben, ce qui est incroyable, c'est que les juges ont quand même apprécié. Oui. C'est là où réside là, tout le pouvoir d'une bonne mire. Faire péter une ballonne d'une manière assez convaincante pour faire bander les juges. Oui. De retour à la grande finale du concours de beauté Miss MILF Montréal 2007. MILF qui signifie Mother I'd Like to Fuck. Vous êtes toujours avec Rock Laverge et moi-même Bob Velours. Et là, c'est le moment d'écouter les appels de nos auditeurs qui ont voté pour leur MILF préférée. Voici ce que ça donne. Abeille, ouais, je veux que tu gagnes. J'ai mis ta photo sur mon frigidaire, pis à chaque fois que je pense me prendre de quoi dans le frigidaire, je pense à toi. Courage, ma grande. J'ai allumé des lampions, là. Inquiète-toi pas, tu vas gagner. Oh, moi, je te dis, c'est quand Vanessa, elle a pété sa ballonne, là. Oh. Moi aussi, c'est pour dire que quand Vanessa, elle a pété la ballonne, ça m'a vraiment tout remué en dedans. Je suis sûr que je suis pas tout seul à appeler pour dire ça, mais le... La ballonne à Vanessa, là. Ah oh, oui. Oh, moi aussi, c'est la ballonne, là. Quand elle a volé, là. Évidemment, on n'a pas pu faire passer tous les appels, mais c'est représentatif de ce qu'on a reçu comme commentaire. On vous remercie beaucoup. Et là, c'est le moment de révéler la grande gagnante, la best of the best. Et c'est Hélène. Oh, quelle est heureuse Hélène! Quelle victoire éclatante! Hélène qui marche fièrement vers nous. On va bientôt apercevoir à l'écran géant le prix qu'elle va remporter. Mais il semble y avoir un problème, Bob, avec le tableau indicateur. Oh, qu'est-ce qui se passe? L'image est brouillée, on dirait. Oh, il semble y avoir un visage qui apparaît. Oh. Oui, c'est bien un visage. J'ai de la misère à reconnaître, c'est... Mais c'est Michel Richard, Bob! Michel Richard! Ce concours-là, il est pas juste à l'argent que le gars des vues, cette affaire-là! On n'a pas voulu me laisser participer. Non, non, non, moi, je suis une MILF. Je suis la reine des MILF. Je suis la femme mûre, la femme auquel tous les hommes rêvent de fantasmes au Québec. C'est moi, ça. C'est moi, je suis la reine. Et j'ai le droit de participer. Michel Richard, t'es pas une MILF! T'as passé le cap! T'es rendu une granny à cette heure! Michel Richard est-elle une MILF ou une granny? Donnez-nous votre réponse par téléphone ou via courriel. Dans la question. Alors, Kiwan, est-ce que Michel Richard est une MILF ou une granny, selon toi? C'est une bonne question. Parti, c'était elle pour vrai. Je sais pas, hein? Sa vraie voix. Hein? Qui dit MILF, il me semble que j'imagine pas Michel Richard dire MILF. Ouais. Je trouve que c'était vraiment beaucoup trop truffé de références pornographiques. Tu penses? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui te fait dire ça, donc? Ben, je sais pas. C'est un feeling comme ça. Ouais. À peine être feeling. C'est arrangé, Hélène, Colin. Personne ne parlait d'Hélène dans la deuxième partie, aucunement. C'était au début. Personne ne se rappelait d'elle. Et la voilà qui gagne. C'est arrangé. Arranger ces affaires-là, la télé-réalité. J'ai mis ta photo sur mon frigidaire. C'était carré. C'est une des capsules les plus grasses, je trouve, depuis Jim et Bobby. Oui, depuis Jim et Bobby et depuis d'autres affaires que je dirais même pas parce que moi, je veux pas le dire. Je vais laisser les gars le dire dans une autre capsule à un moment donné. Les mots, j'essaie de les sortir, je peux même pas les dire. J'ai de la misère à les dire. C'est un peu inconfortable, des fois. Ça s'entendait pas, j'espère? Je pense pas. Non. Ok, je l'ai dit assez fort. Mais je voulais pas que ça soit en nombre. Voilà donc pour Vidon la question. Tous les jeudis, ici à Assemblage requis, soyez à l'écoute entre 15h et 17h. Il y aura une capsule ou une émission complète ou peu importe, une fois de temps en temps, comme ça. Ça dépend des fois. Vidonladon.com pour plus d'informations sur les deux garçons. Vidonladon sans le C.com. C'est Mathieu Saint-Onge et Luc Archembo. On prend une petite pause et on revient avec Stéphanie Gagné et sa chronique Ton plat favori. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, restez là, c'est dans quelques minutes. T'es encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à C'est fou. Musique Daniel Côté, l'unique dépositaire Gibson à Trois-Rivières, vous offre également des marques telles que Jackson, Ibanez, Epiphone, BC Rich et Yamaha. Musique Daniel Côté, c'est également des guitares acoustiques, de la sonorisation, un département de musique par ordinateur et encore plus. Que vous soyez expert ou débutant, profitez de nos conseils et de notre service hors pair. Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est fou de la scène émergente. Jusqu'à 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou 89.1. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage Rocky en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et puisqu'on est jeudi, et puisqu'il est 16h30... Est-ce qu'on est jeudi? Est-ce qu'il est vraiment 16h30? Déjà? C'est confirmé? Oui. Oui, on me confirme à l'oreille, oui. Il est bien 16h30, on est bien jeudi. Donc, c'est l'heure de recevoir Stéphanie Gagné pour sa chronique « Ton plat favori ». Ah, bonjour, Stéphanie. Bonjour, Mathieu. Ça va? Ben, il neige, fait que ça va moins, mais ça va quand même. Ouais, faut faire avec des fois. J'aille l'hiver, j'aimais notre semblant de printemps de la semaine passée. Non, t'es mieux quand il mouille au mois de janvier que quand il neige. Ouais, ah, je déteste. Regardez mes grosses bottes d'hiver. Ouais. C'est des deck shoes. C'est des deck shoes, j'allais le dire. Hey, on est synchronisés. Mais toi, Stéphanie, tu braves vents et marées, tempêtes et tsunamis pour tous les spectacles de Tegan and Sarah que tu peux aller voir, je pense. Absolument. Hein? Hey, c'était horrible la température quand on est allé lundi à l'Impérial. C'était vraiment dégueulasse. Et c'est moi qui chauffais en plus. C'était pas plaisant. Ouais. Mais le spectacle était écœurant. On peut peut-être faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas entendu ta chronique la semaine passée. La semaine passée, tu parlais du spectacle de Tegan and Sarah que tu avais été voir à Montréal et qui était la plus belle journée de ta vie. Oui, parce que je les ai rencontrés. Tu les avais rencontrés backstage en VIP. Oui, absolument. Donc là, tu es retourné les voir cette semaine, lundi à Québec. Oui, mais c'était vraiment pas pareil. Place des Arts, on était assis. J'étais assis quand même très loin, fait que je les voyais pas vraiment. Mais à l'Impérial, je les ai pas rencontrés, fait que c'était pas la plus belle journée de ma vie. Mais sur les trois spectacles de Tegan and Sarah que j'ai vus, c'était le meilleur, vraiment. J'étais super proche. C'était pas le même setlist en plus. Je pensais que je m'attendais à ce que ce soit les mêmes chansons. Les deux premières, c'était les mêmes qu'à la Place des Arts. Et finalement, j'ai été surpris. C'était pas les mêmes chansons, donc c'était plaisant. Alors voilà, c'était vraiment bon. La première partie, toujours aussi bonne aussi. Anne Horse! Ouais, le sujet de justement ma chronique, une moitié de sujet. C'est tout simplement la première partie de Tegan and Sarah pour cette tournée. Dans le fond, la tournée s'arrête cette semaine, mais ils ont déjà tourné auparavant, donc c'est un des groupes préférés de Tegan and Sarah, fait que ça se peut qu'ils tournent encore avec eux autres. C'est un groupe australien, une fille, un garçon, Damon et Kate. Les deux font partie d'un autre groupe, mais Kate a décidé de se concentrer seulement sur Anne Horse. Et c'est ça, c'est du petit indie, pop, rock, comme je l'aime. Et voilà, on va écouter... Company, qui est une chanson, ma chanson de la semaine. Je l'ai écoutée dans mon auto sur repeat. On écoute ça tout de suite dans ton bloc, ton plat favori à Assemblage Rocky. Please put on that record again. Please don't think too much, 'cause I can't let you in. 'Cause these walls have been built. No, I can't let you in. 'Cause these walls have been built. face has turned red. But it's not from something you just said. Oh, I'm blushing on the inside. It's those damn green eyes. And panel by panel and piece by piece, this all fits together, but it's not what you think. Oh, there I go again. Oh, there I go again. But you said I'm out on a ledge. Come stand with me. I need the company. I need the company. And I'm trying to get you in. I'm trying to get you over in. I'm trying to get you in. Toujours avec Stéphanie Gagné, moi-même, pour la chronique Ton plat favori, avec oui. Yvonne et Mathieu. Et on vient d'entendre le groupe N Horse. Tu disais qu'ils sont seulement deux? Oui, seulement deux. La fille, elle joue la guitare, puis elle fait la majorité des paroles, comme on a entendu. Et le garçon fait des back vocals et le drum. Sur scène aussi, là, ils sont deux. Oh, oui, ils sont juste deux. Wow. Ça sonne quand même bien. Et ce que j'aime de ce groupe-là, c'est que sur scène, c'est vraiment identique au CD. Là. Pas identique dans la... Je veux pas dire identique, qu'ils font aucun changement, mais la voix est vraiment pareille. On voit qu'il n'y a rien qui a été changé en studio. C'est vraiment... c'est un groupe très talentueux. C'est comme un cheval dans les... avec il y en a un qui joue les fesses, puis l'autre qui joue le cheval, c'est le costume, là. Si tu veux imaginer, sur scène, ça ressemble à ça. Comme OK, on va y aller avec la prochaine chanson. Oui! C'est Spinneret, avec l'album qui est sorti en 2009. Il y avait un EP qui était sorti en 2008. Et ça, c'est l'album Spinneret, sorti l'an passé. C'est le groupe de la chanteuse, l'ex-chanteuse de The Distillers. Est-ce que vous connaissez probablement? Non? Ah, Kiwan connaît ça. C'est punk, ça, je pense. Ouais, c'est pas mal plus punk. Mais vous allez voir, on entend encore la voix assez punk, mais c'est des rythmes un petit peu plus pop. Hein, un tout petit peu. Et c'est la pièce Ghetto Love, la première pièce de l'album, qui est tout simplement débile. Hein. Alors, on va aller écouter ça. Ah? C'est fou. 89.1. À l'émission. Assemblage requis. Dans la chronique. À ton plan favori. Avec. Kevin et Mathieu. Non, Stéphanie Gagné, la chronique. Ben. 2/3. Et moi. Pas bien. toujours à Assemblage Requis avec Kiwan, Mathieu et moi-même. Je ne m'oublie pas cette fois-ci. À ton plat favori. Stéphanie Gagné, c'est ton nom? Oui, c'est mon nom. Voilà. On vient d'entendre Ghetto Love du premier album de Spinneret. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est tout déjà? Oui, c'est tout. C'était rapide aujourd'hui. Hein? J'ai pas vécu de grandes journées formidables cette semaine. C'était pas mal ordinaire. Ta meilleure journée est derrière toi. Maintenant, tu ne peux que redescendre et avoir de mauvaises journées. Voilà, exactement. C'était ton, comme ton pic. Non, mais j'ai eu ma pire journée à vie avant ma meilleure. Fait que... Juste avant? Ouais, on la veille. Pas. J'ai eu mon ticket, puis je me suis fait voler mon iPod. Ouf. Ouais, ouf. Ah. Ouais. 300$ plus 125. Ouais, mais ce qu'il y a de bien, c'est que même si tu avais un iPod, ben tu vas pouvoir te racheter le nouveau modèle. Ouais. T'es gagnant. Ouais. Parce que t'avais un vieux modèle. Ouais, faut mais il était quand même très pratique. Ouais. Bon, alors voilà. Merci beaucoup. Stéphanie Gagné. De rien. Merci à vous. On rappelle les deux noms d'albums. Donc, Spinneret, l'album est homonyme. Oui. Bien ça. Et puis, Anne Horse. Rearrange Beds, le nom de l'album. D'accord. Leur premier album pour Anne Horse aussi. Ils sont très jolis, tes CD. Ouais, je suis sûre que vous aimez bien le CD de Spinneret. Avec une paire de bobettes. Ouais. Une paire de fesses en arrière. Oh, ben, OK. J'avais pas vu le derrière. Je parle du derrière de l'album. Je fais tout pour vous faire plaisir, vous voyez. Je vous apporte des beaux albums. Merci. C'est très réussi. Merci encore une fois. C'est touchant. La chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné, c'est tous les jeudis ici à Assemblage Requis. Oui, et son émission, La Pain Bêche en mission, s'en vient dans environ une quinzaine de minutes. Est-ce que tu as des scoops pour nous? Scoop? Ben cette semaine, j'ai beaucoup, beaucoup de chansons. J'ai des chansons assez courtes. Je m'en suis rendu compte hier. J'ai des chansons de 2 minutes quelques. Donc, Baby Shambles, Light of the Pier, The Cooks, Malajube, Los Campesinos, qui a sorti un album cette semaine. Johnny Foreigner dans le même genre, Charlotte Gainsbourg, She and Him, Shout Out Loud, plein de bonnes affaires. Ça s'en vient dans une quinzaine de minutes, La Pébèche en mission. Voilà. Nous, c'est presque terminé, mais on a le temps de se passer une dernière pièce avant de conclure l'émission. Donc, voici Woodhands et Pockets. Nouvelle entrée, palmarès anglophone, ça? Hot Pocket! Hot Pocket! T'as pas vu le sketch avec Hot Pocket dedans? Non. Hot Pocket! Jim Gaffigan. YouTube-moi ça. We'll be right back. La nouvelle entrée de Woodhands dans le palmarès anglophone, elle s'appelle Pockets. Et on vous rappelle, la diffusion des palmarès C'est fou, c'est les mercredis et jeudis entre 13h et 15h, mais c'est aussi en rediffusion demain, vendredi, entre 17h et 20h. Oui, c'est ça. C'est tout pour nous aujourd'hui, pour cette semaine même. C'est tout. Déjà, c'est triste, mais c'est comme ça. On va se retrouver lundi, mais d'ici là, ce soir, votre soirée est bien évidemment remplie d'émissions plus nombreuses les unes que les autres. En tout cas, ça commence avec une pêche en mission, vous le savez, à 17h avec Stéphanie Gagné. Ensuite, il y a La Spirale à 18h. Et puis, Skypunka, ça commence à 21h. Si vous avez raté une entrevue ou un segment, une chronique, un bloc, n'importe quoi, écoutez donc les meilleurs moments de C'est fou. C'est vendredi, demain, à 6h30. En rappel, samedi à 14h. C'est les meilleurs moments de la pilule du lendemain, du dîner de con et d'assemblage requis. Tout ça dans un beau bloc de 3 heures de meilleurs moments. Petite suggestion avant de partir pour ce soir, le groupe Hard Day's Night qu'on a déjà reçu en entrevue ici, préparent une tournée en fait acoustique et ils commencent ça ce soir au Charlot. Il va y avoir plein de dates ensuite annoncées, mais au Charlot ce soir, Hard Day's Night en version acoustique et ce samedi, le 30 janvier du côté de la Galerie Laparte, Fabiola Toupin, Manu Trudel et leurs invités. Et en fait, c'est important de mentionner que c'est un spectacle bénéfice pour la reconstruction d'Haïti. Il va y avoir une série de spectacles. Il va en avoir tout plein, en fait, pendant toute l'année au complet. À la Galerie Laparte, on vous en reparlera plus en détail la semaine prochaine. Là, je vous annonce seulement la date du premier. C'est donc samedi le 30 janvier. Dès la semaine prochaine, on vous donne plus de détails concernant ceci. Alors voilà, on se retrouve lundi à 15h avec Maxime Lemulin-Ramé et Martin Bertrand dans l'émission de lundi. Passez une excellente soirée, une excellente fin de semaine et un excellent début de semaine jusqu'à 15h. Je veux vraiment couvrir tout le bon temps que je veux que les gens passent d'ici à lundi, à 15h. C'est ça, tu fais bien de dire jusqu'à 15h parce qu'aussitôt que 15h va arriver, ça se pourrait que ça va être de la merde. Leur journée va être gâchée. Wesh. Bye. Bye, Matt.